X. Hey, bonsoir et bienvenue à une folie choquée émission de numéro 12. On est le 3. Oui. Voilà, bon, faut que j'aille pisser, là, je reviens. Ah, ça sera pas là, je vais mettre la musique en attendant. Je ne mettrai pas une tonne comme je fais d'habitude, là. Je vais partir le système de son. Ça devrait être bon, j'imagine. Je reviens. Ça sera pas là. Fait qu'on va y aller avec des tunes en J. On est ça dans les J. Non, dans les L. Mais c'est pas que j'ai oublié un J. Je vais pas passer du Joran. Et puis. Joran. Après ça, on va jaser. Terrible. Bon, là, va falloir que je vous parle, ça va pas bien. Ben, ça va pas bien, vous savez pas encore. Ça allait pas bien. ça va pas bien encore plus, là, mais on a les moyens de réaliser, là. Ouf! Là, pour depuis un bout, je vais aller voir sur YouTube. Il y a des... je sais pas pour quelle raison, là, il y a eu, à un moment donné, un projet. C'était The Blasphemy Challenge. C'est une gang de personnes qui ont décidé... vous voulez dire à Dieu que c'est un cave, là, tu dis que vous deny the existence of the God. Fait que là, les Américains, chacun leur tour, vont sur YouTube, ils disent I deny the existence of God. Fait que dans le fond, ils blasphèment, ils deviennent athées. Puis là, c'est vraiment le party. Là, il y a à peu près 45 000 émissions sur YouTube pour savoir si Dieu existe, si Dieu n'existe pas. Là, moi, j'étais en train de demander, là, c'est pas vraiment grave que Dieu existe ou existe pas. Dans le fond, c'est pas la bonne question. Moi, je suis athée, premièrement, puis je crois que tous ceux qui croient à n'importe quoi, au surnaturel, puis qui sont superstitieux, sont un peu débiles. Fait que c'est pas là le point. Le point étant que, bon, c'est pas important de savoir si Dieu existe ou non. Dans le fond, on sent Christ, là, tu sais, c'est juste du surnaturel. Ce qui est important à démêler, c'est pourquoi on mêle la morale au surnaturel. J'ai jamais entendu parler personne... Tu sais, il y a tous les grands philosophes d'un côté puis de l'autre, les philosophes intelligents qui disent que Dieu n'existe pas parce que ça n'a aucun sens, puis les philosophes stupides qui disent que Dieu existe puis il faut y croire parce que sinon on va mourir, on va aller en enfer. Mais les deux, en même temps, se posent pas la vraie question. Est-ce que il y a un lien entre le surnaturel... et la morale? Dans le fond, si Dieu existerait, pourquoi il tiendrait à ce qu'on soit gentil et qu'on fasse pas mal à notre voisin, qu'on obéisse à nos parents même s'ils nous sacrent après? C'est le genre de détails de même. Il y a un paquet de détails moraux, parce que dans le fond, c'est de la petite bullshit. La censure, par exemple, bon là, on va employer... un exemple concret, bon, en principe, si je serais au début du siècle, là, j'aurais été censuré. On m'aurait traité de cave parce que je critique un peu les croyances surnaturelles. Dans le fond, c'est pas une insulte que de traiter les gens, traiter Dieu de croyances surnaturelles, c'est exactement ça. Dieu n'est pas naturel, il est surnaturel. C'est la vraie définition. C'est pas insultant, c'est ça. Alors... pourquoi on n'aurait pas le droit de le critiquer? En tout cas, la censure, ça me ferait faire chier, tout le kit, j'irai en enfer rien que pour ça. Mais là, je comprends pas. Je comprends pas le colis de lien entre la morale et le surnaturel. Dieu, pourquoi il veut qu'on soit si gentil que ça? Pourquoi il voudrait pas qu'on soit comme adultes et qu'on décide par nous-mêmes? Dans ma tête, tu sais, je dis, ah, c'est juste ça. Puis c'est tellement dur à argumenter avec quelqu'un qui est pas capable de comprendre que ça serait intéressant peut-être que de critiquer pour savoir si on est dans la bonne voie. Mais ça me semble... calvaire de bâtard. Hey, on va y aller avec du un nouveau, petit nouveau, de la relève. Ça, j'étais pas né. Il y a pas grand monde qui était né, quelques-uns, là, mais ils sont vieux en maudit. Beethoven. Beethoven dans fast. Paf, cliff, bang, bing, je base. Ouais, let's go Beethoven. Thank you. Ouais, qu'est-ce que c'est ça, batteur? On dirait que c'est drôle. Moi, tantôt, je m'intéressais aux croyances, je m'intéressais à la morale, tout ça. On dirait qu'il y a que moi qui s'intéressais à ça. J'étais allé voir encore sur YouTube, batteur, des reportages, des textes, Wikipédia, toute la kit, une petite gorgée. Caroline, Mère Teresa. Hey, ça, elle était aimée, Mère Teresa, ben aimée. C'est pas le mot, hein. T'sais, ils ont fait d'elle une sainte, j'imagine. Non, c'est un fait. Une sainte. Enfin, c'est rendu Sainte Teresa. C'est même pas son vrai nom, de toute façon. Elle a été renommée 2-3 fois parce qu'elle a plusieurs compagnies à son nom. La comptabilité. Ouais, c'est cool. C'est ça, dans le fond, elle a détourné plusieurs millions de milliards de dollars. Des milliards, là, on parle pas de millions. Que les gens donnaient pour qu'elle puisse soigner les Indiens à Calcutta, ceux qui étaient maganés. Puis, ben, elle a appris ça, puis elle a fait construire des églises, puis tout, ben, dans le fond, son compte de dépenses était au Vatican. Tout l'argent allait au Vatican. C'est de l'or, des bébelles, des cochonneries, des cloches. Tu sais, des cloches à 75 000 $. Des détails de même. Sûrement qu'elle n'en a pas profité parce que ça aurait paru, mais elle avait un agenda, tu sais, un agenda. Ouais, l'agenda de Mère Teresa, si on y revient, c'était d'aller au paradis. Comme tout le monde. Puis peut-être sûrement être déclarée celle qui mérite le plus d'aller au paradis de la terre. Ça, ils ont des ambitions. Mais c'est pas un péché, selon leur style d'église, d'avoir des ambitions telles que. Comme ça, là, de vouloir être la meilleure personne sur la terre. En tout cas, je parle, on jase. Pas dans ma tête, là. Ouais, ben c'est ça. Elle, dans sa tête, elle se disait, gars, plus je suis dans la misère, plus il y a des chances que Dieu m'aime. Puis que plus que de chance que j'aille au paradis, puis que j'aille. Ben dans son cas, peut-être c'était des petits gars qu'elle voulait avoir, je sais pas. 75 petits gars au paradis avec du miel puis de l'alcool, là, je sais pas. Mais elle a pas compris qu'il fallait que ce soit elle-même qui souffre. Ben elle a compris, là, mais elle s'est créé un subterfuge mental. Et puis, elle, dans sa tête, elle s'est dit, si je touche aux malades qui souffrent beaucoup, puis que je m'entoure de malades qui souffrent beaucoup, puis que je les soigne pas, parce que si je les soigne, ils souffriront plus, j'irai plus au paradis, tu sais, ben, j'ai bien plus de chances d'être la meilleure personne au monde. Fait qu'elle, elle s'est regroupée des milliers de personnes malades, maganées, elle les soignait pas, elle les laissait avec des paillasses vraiment minables, elle, qui avait des milliards de dollars, elle les laissait de même fouiller avec rien que de l'eau puis du pain sec. Pour qu'ils souffrent le plus possible, pour qu'elles soient proches d'eux, pour qu'elles puissent avoir le plus beau billet, mettons, d'avion pour aller au paradis. C'est beau fin. Fait que dans le fond, juste ça, là, sacrement de calice. C'est la même affaire avec toutes les hosties de pape. Il y en a quelqu'un que j'aimais, c'est Herman. Ce pape-là, c'était le meilleur des papes. Le pape Herman. Ouais, fait que là, c'était bon Beethoven, hein, je pense que, ouf, ils l'ont plugué. La Lipuna, on était dans les L, j'avais oublié un J, puis un B de Beethoven, gégé. Non, ben Beethoven, c'était la compile, pas la compile, mais l'original soundtrack de Clockwork Orange. Et puis c'était fait par, il marque pas. Bon, en tout cas, c'était la 9e symphonie, 4e mouvement, mais était abrégé parce que ça aurait pris une demi-heure. Puis on y va là, let's go les jambes avec Lalipuna Faking the Books. Ouais, nous interrompons votre émission pour vous dire que je me suis trompé, c'était pas Beethoven le 4e mouvement. C'était Beethoven quand même, la 9e symphonie, la même symphonie, mais c'était le 2e mouvement. Ben oui, ben c'est juste ça. C'est pas le 4, c'est le 2. Il y en a tellement, tabarnak. Il y en a... c'est quoi, là? Ah ben. Aussi, il y en a plein. En tout cas, ouais, il y a quelqu'un qui a fait ça, là. Je m'étais pas donné la peine d'ouvrir le livret à marde qui est cool. Bon, j'ai un email, tout le monde. ouais, le compositeur, c'est Ludwig von Beethoven. Puis il a été arrangé par Walter Carlos. Tant pis, musique BMI performée par Walter Carlos. Juste ça. Walter Carlos. Il doit être vieux parce que ça a été fait dans les années 60, 70. Au début des années 70. Si j'en crois, le film est sorti en 72, j'imagine que ça a même dû être fait un petit peu avant. J'imagine. Le chanson de CD. En plus, tantôt, je me suis réécouté puis je me suis dit, calice, j'envoie chien en tabarnak, Mère Teresa. Ouf! Est-ce qu'il y a du monde qui doit être fier de moi, là? J'allais me chercher des piments. On va me croquer un piment, tout le monde. Checkez bien ça. Ça en vient, là. Je le trempe dans ma trempette de piment. De la mayonnaise puis de la pitiche de l'affaire. Fait que ça met fin à. Nous interrompons pas votre émission. Et puis, bon retour. Faites attention à vous autres. Salut. La toune, je vais vous dire ça tantôt. Je vais aller me préparer un snack. Là, je suis au régime. Là, pendant mes vacances, je voulais perdre 20 livres. J'ai pris 7 livres, Chris. Fait que là, je me fais un snack de soirée avec des olives, des piments rouges, puis des piments forts. Ouais, nous interrompons encore, Thalys, je suis fatigué à ce soir. Bref, tu sais, mais ça me tentait pas de me faire des olives, puis manger des olives, puis des piments forts. Fait que je me suis fait des petits piments rouges, là, pas forts, avec de la mayonnaise, puis à la place, j'ai mangé du couscous. J'étais allé au Cap Price, j'ai acheté du coucou. C'était bon. J'ai mangé la moitié de la caisse dans 2 secondes. Puis il me reste un piment. Puis m'a fini ça. Ben non, pas vrai, je mangerai pas au complet. Ouais, j'interromps encore là. C'est après la parenthèse, là, c'est l'accolade. Là. C'était pas juste pour dire que j'ai fait un petit paquet de retour pour dire que c'était la Lipuna que je mettais, mais. J'ai jamais dit c'était quoi la croix de tout dans la merde. Fait que là, je vais vous le dire. J'ai serré le CD, c'est que je suis calme. Bon, La Lipuna, Faking the Books. La toune, c'est Call 1-800-FEAR. That's it. Fait que là, on finit ça avec un petit piment. C'est mon dernier, là. J'ai fini mon lunch. Call, yes. Bon. Return. Ferme la collade, on retourne à l'interruption, puis après ça on retourne à l'émission normale, puis c'est ça. J'espère que vous avez bien compris. Ouais, on arrête ça, puis c'était la Lipuna, on y a, les go les jambes, salut. Mélanger avec un petit peu de trempette, là. Pas trop gras, là, mais t'sais, juste pas de patates frites, ça va être bien correct. La Lipuna d'en face. Thank you. Bonjour, ici les amis, j'espère que ici les amis. Bonjour les amis, ici Radio-Canada. Non, j'espère que vous avez aimé les loulapoulili, là, là. Le papa. Ouais, j'espère que vous n'êtes pas trop mêlés, là. C'était tout bien organisé, tout est correct. Je l'ai réécouté, tout est beau, tout est beau. C'est fait de même. C'est fait de même, moi. Mon émission, là, il y a des interruptions de, d'émission. Fait que là, on va écouter du Large Number avec la fille de Aden Twix qui a fait un solo project. La toune de le CD, c'est Spray on Sound. Et puis la toune, c'est Lexical Synestia. Synestia, yesti. Non, c'est vraiment mal écrit, mais c'est S-T-H-S-I-A. Et puis, c'est bon. Je voulais passer l'autre après aussi, mais si j'avais de la misère, c'est tout bon. Tout bon. C'est ça, Large Number. Bonne chance. Salut. There was once a man who had a child's mind. He was stupid. He could smell words, he could taste sound, but he could not hold the jar down. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. He looked fine and he felt fine, but he didn't know how to love. Hey, c'était la toune cool. Quoi? Ouais. Oh, c'était la toune cool de... Large Number. Faudrait, j'ai tendance à pas aimer la toune qu'il faudrait que j'aime en premier sur un CD. Non. J'aime tout le temps la toune la plus étrange. Pas que le CD est étrange aussi, mais non. Les autres tounes, il y a du rock, du rock and roll, il y a de l'électronique, tout ça. Mais non, je trippe sur la toune de banjo. Et puis, c'est ça, c'est la vie. Que veux-tu? On est peu de choses. Fait que là, si je dis le drum n'est pas mort, ça veut dire le tambour. Si le tambourin n'est pas décédé, en anglais, on pourrait dire drum's not dead. Et puis si on dit drum's not dead, on dit liars. Puis si on dit liars, on dit liars, pants on fires. Je vous ai tout mêlé. Fait que là, on va écouter une tonne de liars. Sur l'album Drums Not Dead. Et puis la tune s'appelle It Fits When You Were a Kid. It Fit When I Was a Kid. Ouais, yes sir. Faites attention à vous autres là. Soyez prudents, ne lâchez pas. Chairs way out on a across your lawn. Use the diamond on the glass. Slithered slowly through the dark. Made my way up all your stairs. Crystals flying everywhere. Le chanteur de ce groupe-là, un grand mec qui fait peur, pareil comme dans les films d'horreur. Liars, c'est bon par exemple, mais faut pas écouter ça trop souvent, parce que c'est dur. Là, j'ai un autre CD, puis je tasse mon clavier. Je fais plein de trains, je m'en fous. Excusez, je le ferai plus. Bon, Malcolm Cato, ça c'est dans un autre genre de musique, c'est du. C'est du. Ayant du funk. C'est ça. C'est drôle parce que sur le CD, c'est un. C'est un vinyle. C'est un vinyle. C'est ça. Je sais pas si je l'ai déjà mis dans mon ordinateur, celui-là. Faut faire des MP3 si on va faire une émission de la radio. Ben oui. Malcolm Cato. Ben oui. Esti. Je me suis surpris à avoir mis plein de tunes dans mon ordinateur sans y avoir pensé d'avance. Sans m'en rappeler, je veux dire. Parce que j'ai dû y penser, là. CD vraiment, le boîtier est vraiment minimanime, comme dirait les caves. Ouais, fait que let's go Malcolm Cato, puis je vous dirai la toune que j'ai choisie en venant de chez le docteur Ballard. Il est 1h30, pas tard. Il me reste 3 jours de vacances. Non, mais plus là. Il me reste 2 jours et 22h30. Précis. La précisation dans la volée de couteau, fourchette. Ah oui, petit papier là, petit papier lipsil avec un petit couteau. Ah, il est là mon couteau. Oh. Crayon, tasse à mesurer, des Kleenex, puis un téléphone cellulaire, des baguettes de sushi sur mon bureau. Sur le drum de ballet de Chouchi, puis on va écouter du Malcolm Cato. C'est bien, c'est. Ouf! Okay. C'était du Malcolm Cato avec la toune la toune Fax de l'album Popcorn Bubble Fish UK. Oh boy, c'est un import export. Hey boy, là on va y aller avec un succès souvenir dans ma tête. Ben non, un succès souvenir. Mais j'aimais beaucoup les années dans les années 90 le rock québécois comme un peu comique. Ben là, pas comique là, mais tu sais le punk rock québécois c'est toujours comique. Pas pourquoi. Fait que là, je suis en train de regarder CD. J'aime bien ça regarder CD en parlant. 1996. Yes, sir. 11. Alors, c'est les Marmottes Aplaties. Le premier CD. Pourquoi pas, tu sais? Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais regarder si je ne l'ai pas déjà copié. Il y a des grosses chances que Waze. Mais non. J'avais copié l'autre. T'es plus gay. Fait que bon, maman t'aplatie. Je pense que je vais mettre. Ouf. Les parfums. Je vais mettre les parfums. La toune Les parfums. Sur 1001 chansons pour agrémenter vos repas. Là, vous allez être fiers de moi. Oui, je l'avais déjà copié, c'est juste parce que j'avais copié avec iTunes, puis là je copie avec Windows Media Player, puis ils n'avaient pas mis dans le même nom, ils avaient mis ça lait, merclé, tout cas. Pour les marmottes, c'est platique. Il va y avoir des shows de musique au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Des shows de musique. Il va y avoir Stéréo Total là, le mois d'août, 27 août, Montréal, au la Lutulipe, il va avoir Devendra Bonheart aussi, qui est cool aussi. Mais il faut être fait solide, je pense, pour aller le voir en personne. Et puis, il va y avoir Justice ou E2. Ça va être cool en Christ, je suis pas sûr, mais je pense que ça me tente d'y aller. Non, ça me tente d'y aller. Ça, je suis sûr. Enfin, là... Hey, une autre affaire, vieille affaire, la mort, là. Vraiment, là. Ça, là, même, il n'y a pas grand monde qui va s'en rappeler. Je ne sais pas si j'ai ça. Ça se peut que je ne l'aie pas mise. Les. C'est dans les M, toujours. On est passé dans les M. Je l'ai mis. Bon. Mauvais quart d'heure. Avec l'album Gaucher. Ça, c'est vieux. Je vais passer. Une tonne, j'y pense, puis je reviens, bye bye. Il a payé mon entrée au cinéma, du popcorn salé, un grand Coca-Cola. Le film n'était rendu qu'à la moitié, quand sa main sur ma cuisse m'a fait sursauter. J'ai à remonter le courant sous ma robe un peu fripée. J'ai croisé les jambes et je lui ai dit non. Puis j'ai vu la bosse dans son pantalon. Tous pareils, tous autant qu'ils sont. Tous pareils, toujours je réponds non. Non par là, non par ici. Non demain, non aujourd'hui. Non dans ma chambre, non au salon. Non à toutes les occasions. Tous pareils, un jour je répondrai oui. Ça c'est parce qu'elle va m'avoir, moi ça va me, là. C'est parce qu'elle va m'avoir rencontré. Tu joke de la mort, toi, plate. En passant, savez-vous c'est à quel endroit que les femmes ont le poil le plus frisé? C'est en Afrique. Prenez une seconde pour rig. Là, je vais passer du front. Ouais, c'était tous pareil. Gaucher, ça le donne pas. Front, ça c'est dur un peu parce que c'est une pièce de 72, 78 minutes. Ouf. Ouais. Et j'en ai un autre de même. Acid Mother Temple, c'est un autre tune, mais c'est 55 minutes. Je peux pas faire une émission avec Acid Mother Temple. Je pourrais la passer comme en background sur tout le reste de l'émission. Mais c'était incroyable. Hey, Acid Mother Temple, c'était dans les A, j'ai dit non. Je vais mettre ça sur mon bureau, je vais passer une toune courte de Acid Mother Temple. Il y en a des pourries courtes. Ouais. Ben, je vais aller chercher ça tout de suite. La Acid Mother Temple. Ouais, il doit en avoir une coupe là-dedans. Il paraît que c'est un bon CD. Il y a du steak haché. Et ça, c'est Alienate, fait qu'il est enveloppé dans du plastique. C'est ça. Il faut que j'ai du 15 minutes à remplir. je mettrai ça. Front, c'est québécois. C'est sûrement québécois, là, mais en tout cas, c'est en français. C'est marqué Québec, non, Canada. C'est fait au Canada. C'est en français. Et puis, je croirais que ça a dû être pas loin de Montréal, j'imagine. Tiens. C'est quoi, j'ai de la misère. Ouais, en tout cas. C'est ça. Ben, c'est dur à dire. C'est. Je vais. C'est de la poésie, tu sais, dans le fond, là. C'est vraiment du train. Ça, ça a été fait à Montréal. Front. Ben, en tout cas, c'est vrai que le CD, c'est. Le titre de l'album, c'est Front. Mais c'est Max Haven, John Vaughn. C'est ça. Puis le. No type. Je sais pas trop. Je passe ça, là, je vais en passer une dans le top, puis je reviendrai. On n'est pas sorteux. Thank you. Ouais. Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ça, c'est quelque chose. C'est bon en tabarnak. C'est à peu près la meilleure partie que j'ai réussi à trouver sur le CD de Front. Non, Max Haven, puis l'autre, là. Mais c'est pas grave. Pas sûr qu'il y en ait de quoi de meilleur que ça. C'est vraiment bon. Et ça n'a pas de nom parce que c'est une pièce de 75 minutes. 74. Puis. C'est divisé par des tracks, mais tu sais, vraiment arbitrairement. Fait que j'ai quand même eu une bonne track, là. C'est à peu près deux tunes que dedans. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Ça, c'est la tune du podcast numéro 12. Vraiment, là. Elle dit que. Je sais pas si j'hallucine, en tout cas. On y va avec du Murray's Bow. Ça, c'est un petit peu plus énergique, je pense. Ben, c'est un autre nom. Je vais mettre une toune pour finir l'épisode. Alors, c'est pour réveiller un peu. C'est un petit peu d'énergie, même. L'énergie, ben, c'est. Ça aussi, c'est dur à dire. Ceux qui ont pas le goût d'avoir ben de l'énergie. Vous êtes pas mal, bon, salut, on s'en prendra une autre fois, hein, fais attention. J'espère que t'es pas trop fatigué de t'en retourner chez vous. Bon, en tout cas, et bonne soirée tout le monde, et puis bon Murray's Bow, et à la prochaine. Bye bye. Fucké mon micro. Alors, faut que je parle plus proche parce que mon micro est tout fucké. C'était Murray's Bow avec Door Open at 8 AM. L'album et la pièce, c'était Tony Williams Death Space. C'est un peu d'énergie. Il reste 30 secondes à mon émission. C'était mon émission. Puis, fucké ce petit micro à marde. Je sais pas ce qu'il est. J'ai rien fait. Pas le micro qui a fucké, c'est software. En tout cas, il me reste 20 secondes. Je vais vous parler d'un petit jeu que je joue de temps en temps, que c'est bien drôle, c'est cool. C'est kdice.com. C'est un jeu de risque, on joue avec des dés, puis ça compte les stats, puis on joue même pendant des heures, puis on essaie de battre les stats. C'est super dur, super cruel comme jeu, parce qu'on n'arrête pas de se faire planter par les autres. Fait que là, c'est quasiment fini. Bonne soirée tout le monde.